Bah merci Hakim pour cet extrait fort intéressant. Fort intéressant, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des drops, il y a des ambiance, drops. Ambiance, quoi. Il y a des drops bien sympathiques. On s'attendait pas beaucoup à ça quand t'as oui, dit entre ouais. Die Hard et Lawrence d'Arabie, on s'attendait pas à ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est un peu Mad Max aussi, tu vois. Voilà, il y a un petit côté désert, je suis en 4K, je roule à fond, quoi. En tout cas, c'est oriental. Ça sonne oriental. Il y a un petit côté orientaliste. Tu peux nous refiler les références, s'il te plaît. Pour le coup, le morceau s'appelle Zarat Sara. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Rebfy, R-E-B-F-Y. On trouve ça sur SoundCloud, on trouve ça sur YouTube. Puis après, voilà, il fait aussi d'autres choses. Je me suis baladé un peu sur son SoundCloud. Il fait aussi d'autres choses dans d'autres délires. Après, je ne suis pas forcément fan de tout, mais ce morceau-là, il m'a mis une claque. Et voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un morceau qui donne la pêche. Et comme tout à l'heure, tu disais, manger le monde, c'est un peu l'idée. Quoi. Ouais. Ça donne la motivation. Et pour cause, cool. Il est surprenant. Effectivement, ça t'aura des gros drops bien hardcore, bien sale. En fait, ouais, c'est sympa. En fait, on est allé chez Pôle emploi le matin. Cueillis, quoi. Quand tu vas aller faire tes acédiques, t'es content. Tu y vas, t'es sûr, ouais. La dame de Pôle emploi, tu l'arraches. Quoi. Donne-moi mon chèque. Donne-moi mon chèque. Et je veux le chèque. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'y fasse. Eh ben super, Paul, c'est ton tour cette fois-ci. Ça y est, il est content. Je veux parler. Après un petit emberlificotement. Oui, écoute, t'as qu'à faire des fils conducteurs. T'as qu'à travailler, hein, si t'as bossé l'émission. Ouais. Ça va, c'est bon, je vais déjà à la CAF, c'est bon, ça va. Oh, déjà un boulot, ça. Bon alors, raconte-nous, de quoi veux-tu nous parler? Et bah, comme je vous le disais tout à l'heure, vu qu'on est au Havre, je vais vous parler des 500 ans du Havre et de cette petite fête qui anime pendant tout l'été, je crois. Cette petite sauterie. Cette petite sauterie. Moi, j'ai même envie de dire cette garden party. Oui, bah oui, hein, ça peut. Hein. Ouais. Il y a des trucs au fort de Tourneville, je crois, donc c'est un peu une garden party, on a l'impression. Ils vont faire des barbecues et des pizzas au four. Des garden parties chez les prolos, c'est marrant quand même. Hein. Comme quoi le monde est vraiment en train de changer. C'est quoi, il y a un mec, il a fait des petits fours, c'est des chipolatas coupés en tranches. Quand on connaît le passé du Havre, effectivement, on est surpris 30 ans plus tard. Moi, pour moi, les 500 ans, ça devait être un truc comme ça, une grosse fête de prolo avec des barbecues au cul du camion. Ouais, au cul du ferry. Le dress code, c'est short à fleurs et sandales avec des chaussettes. C'est même pas ça, c'est casse de chantier de Dockers, tu vois. Bah ouais, on est bien. Et du coup, c'est pas trop ça, apparemment. Ah. Ouais, c'est pas trop l'idée, j'ai l'impression. Non, c'est pas trop l'idée. Bon, après, je crois que c'est dans la continuité de la région de faire beaucoup d'expositions impressionnistes, pardon. D'ailleurs, c'est sur la ligne de train, la ligne de train impressionniste, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et je crois que c'est la un peu ligne de train genre Rouen-Le Havre. Carrément, enfin Paris-Rouen-Le Havre, quoi. Ouais. Ah ouais. Les trains sont pimpés la ligne impressionniste. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ton train était tuné. Gaillon, l'arrêt de Gaillon s'est renommé Gaillon-Giverny d'ailleurs pour les touristes. Enfin, ils ont fait des choses pour un peu promouvoir le tourisme via l'art pictural dans la région en effet. Ouais, puis ils ont repeint les trains, quoi. Ouais. Le train impressionniste, c'est cool. C'est Monet qui a fait ça ou bah, ils sont non, je crois qu'il a, je crois qu'il était pas libre à ce moment-là. Ils ont mis Bonnet M, Monet. Bonnet. C'est plus dans cette idée-là. Ils ont essayé. Ça a changé l'impressionnisme. Vrai, c'est pas mal. Et où, Paul? Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a par exemple les tours de la belle usine EDF qui sont illuminées de mille feux la nuit. Et tu sais que je les vois d'ici. C'est là où t'es assis, là, je les vois juste là. Oh là là. Parce que le charbon, c'est génial. Bah franchement, c'est pas ouf. Bah, c'est juste pas ouf parce que même de loin, ça représente pas. Enfin, ça représente rien. C'est très très dur à. C'est une guirlande de Noël, quoi. Bah ouais, en fait, ça fait guirlande de Noël. C'est très très dur à interpréter. Et alors, j'ai appris qu'il y a un concours photo, je crois. Avec comme sujet les tours, tu vois. Et alors, on fait un petit boujou à l'EDF hein, grâce à qui on enregistre. Merci hein, de mettre le central à charbon dans le charbon. Merci le charbon. Le charbon, c'est très très bon. Attends, parce que y a pas la fin de l'histoire. C'est que ce concours là, apparemment, les gens qui gagnent. Voilà, j'ai pas lu l'info, on me l'a donné. Les gens qui gagnent, genre, ça va être exposé dans les tours. D'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir aller chez EDF pour aller voir une expo de photos des tours EDF avec des guirlandes dessus. Enfin, juste, moi, par rapport à la centrale et aux tours d'EDF, moi, je viens pas du Havre. Et là, quand je suis venu cette année m'installer au Havre pour les besoins de l'école, et qu'on m'a dit qu'il y avait une centrale à charbon, ouais. J'avais l'impression d'arriver en Ukraine. Hein. je me suis dit, mais elle est où l'entourloupe, quoi ? Il y a un truc bizarre. Bah, surtout quand tu sais que... Je me suis dit, mais l'IDH de la ville, on est proche de zéro, qu'est-ce qui se passe ? Surtout quand tu sais qu'il y a une centrale nucléaire à Paluel qui a... Je sais pas, 50 bornes. Non, mais bon, pour ça, vive la transition énergétique, quoi. Ouais, non, mais voilà. Pas bon, pardon, parce qu'on fait que de couper Paul. Je crois qu'ils veulent la fermer, cette centrale. Je crois qu'il y avait 4 unités de production, maintenant il n'y en a plus qu'une. Donc elle est destinée à être dégagée vite fait. Bah, j'espère que tous les gens qui travaillent à la centrale vont retrouver un emploi. Quoi. Bah, j'espère ça qui est un peu intéressant. Oui, c'est surtout ça, ouais. Il serait temps. Et sinon, bah, du coup, je pense que Little Bob va mieux parler que moi de ce qu'on pense tous à peu près autour de cette table. Carrément. Gros big up à Petit Bob parce que. Il a dit exactement ce qu'on s'est dit la veille, en fait, au soir. On discutait de ça. Pour le coup, il l'a dit en plus à sa façon, sa manière. Et c'est exactement de cette façon-là dont, pour moi, qu'il fallait le dire. Voilà, sur France Inter, ça. Trop bien. Voilà. Donc un gros big up, Petit Bob. Non, c'est Trump, hein, qui passe. Non, excuse-moi, mais j'avais pas fini sur le premier truc. Ah, pardon. Ah, ouais. Sur le 1. Non, mais c'est bon, parce qu'on a 4 heures d'émission. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Allez-y, je suis désolé. Parce que le crime, on s'en fout de toute façon. Non, mais attends, écoute, parce que ça, c'est quand même important. J'ai vu dans le Figaro ma photo l'autre jour, avec un micro entre le Havre et Villeroc. Alors, j'ai un truc que je n'ai pas compris. Excusez-moi, peut-être que c'est pas important pour vous, mais ça l'est pour moi. Et pour tous les musiciens du Havre qui font du rock and roll depuis que Little Bob Story a percé, c'est que le Havre a donc donné les rênes à je sais plus qui déjà, celui du Royal de Luxe. Ça c'est très bien le Royal de Luxe, hein. Ça c'est fantastique. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a été chargé des concerts au Havre et tout ça, et une grande partie des artistes havrais ont été oubliés dans ces fêtes. C'est fête du 500e anniversaire. Le Havre était peut-être une des capitales du rock en France. Et ça, on n'en a rien à battre. Hein. On ne s'en est pas occupé. Il n'y a pas un seul groupe du Havre qui a été appelé. Et je ne parle pas du mien. Moi, j'ai eu un gros concert l'année dernière. Je ne vais pas revenir vous emmerder tous les ans. Hein. Mais j'aurais bien fait un petit concert pour le plaisir d'être là pour les 500e. Et donc voilà, c'était Little Bob qui parlait. Moi, je trouve ça très bien ce qu'il a dit. Encore une fois. À l'antenne de France Inter le 2 juin, c'est ça ? C'est ça, exactement. Moi, je l'ai vu en direct, du coup, j'étais là, j'étais dans le théâtre de l'Hôtel de Ville. Et ça m'a fait plaisir d'entendre ça parce que je suis d'accord avec lui. Et ça m'a fait d'autant plus plaisir qu'on a eu la même discussion avec Hakim la veille au soir. Et que finalement, c'était pas déconnant ce qu'on racontait et ce qu'on disait juste avec notre ressenti. Étienne n'est pas exactement du Havre, mais c'est comme, pas vraiment. C'est tout comme. Mais voilà, en tant que Havrais, voilà, on parlait juste de notre ressenti, et c'est ce que je disais, c'est que moi, je suis un peu dégoûté de ça, de me dire, il n'y a pas un artiste Havrais sur l'affiche, quoi. Enfin, ça manque de. Enfin, moi, je pensais que ça allait être une vraie fête, un vrai investissement de la part. De la population, de tous les acteurs, de tous les acteurs culturels. Ouais, c'est ça. Absolument pas. Et voilà. Et en fait, on sent qu'il y a eu un manque de communication. Même un manque d'appel, en fait. Il n'y a pas eu d'appel de pied de fée, je pense. Ou alors pas de réponse donnée de la part des acteurs, mais je trouve ça dommage. Mais du coup, au final, on se retrouve avec, comme tu le disais très bien, Paul, une sorte de fête non faite. Ouais. C'est qu'on a quelque chose à fêter, mais on a. Du coup, on laisse les autres le faire pour nous. Quoi. Et tu vois, moi, ce qui me rend absolument dingue, c'est que, tu vois, là, on est en train d'enregistrer, on est à Saint-François, on est au cœur du quartier Saint-François. Faut savoir que le Havre, quand le Havre a été créé, à la base, le territoire était grand comme le quartier Saint-François et le quartier Notre-Dame, en fait. Et donc là, il y a le port, l'ancien port, du coup, qui est juste à côté de chez nous, avec la maison de l'armateur, qui est d'ailleurs un lieu magnifique à aller voir. Il se passe rien pour les 500 ans du Havre ici sur cette place où il y a une église, un grand parking, où il y a un fest-noz tous les ans, où il y a la fête de la mer normalement tous les ans. Et qui est le berceau, comme tu dis, de la naissance du Havre. Le berceau de la naissance du Havre. Il y a un moment donné, on fête un anniversaire. C'est le temps central, quoi. Quand on va fêter nos 30 ans, diapo photo, forcément. Voilà, on va passer chez maman, puis on va se remater des photos de quand on était bébé, de se dire putain, c'était il y a 30 ans. Et là, pour le coup, on fête un anniversaire. Ça aurait pu être super marrant. de faire un peu, tu vois, dans le mode théâtre de rue, le dimanche, d'avoir une petite troupe qui retrace toutes les époques qu'a traversé le Havre, parce que 500 ans, il s'est quand même passé des trucs. Mais tu sais, en mode rigolo, pour amuser à la fois les enfants et intéresser à la fois les plus grands, tu vois, parce que t'apprends des choses de toute façon, même si c'est de façon à faire rire des gosses. Mmh. Et ça, je trouve ça juste insupportable. Je trouve ça insupportable que finalement, on fait venir une Catherine Ringer et on fait pas jouer même Little Bob, en fait. Mmh. Tu vois, comme il dit, il l'a déjà fait l'année dernière, machin, mais c'est un minimum. C'est juste un minimum. Il y a un moment donné où, dans l'émission, du coup, j'ai pas fait gaffe si on l'a réentendu, mais dans l'émission où Bob dit « Je trouve ça dingue qu'on fasse pas jouer les Roadrunners, qu'on fasse pas jouer les City Kids. » Et moi, je trouve ça dingue aussi. Parce qu'aujourd'hui, les gars des City Kids, ils bossent dans la ville, en fait, vraiment pour éduquer des jeunes à la musique. C'est des vrais acteurs culturels de la ville. Et ils sont pas reconnus, alors que c'est en plus... Des mecs qui ont marqué la culture au Havre à leur époque. Donc, ne serait-ce que dans ces grands groupes-là, qui n'en est pas un seul, c'est insupportable. Et quand tu vois le vivier de musiciens qu'on a au Havre, parce qu'on a un nombre de musiciens au mètre carré qui est juste incroyable, les mecs, ils ont tous 10 projets, moi, j'y comprends rien la plupart du temps. Et puis, le nombre de lieux de concert qu'on peut trouver. C'est ça, et il n'y en a pas un qui se produit le jour de l'ouverture de l'anniversaire. Mais de quoi on parle, en fait? Même, même comme tu disais, des compagnies jeunes publics de théâtre de rue, il y a la. Oui, moi, je pense à notamment à la Bazooka, Sac de Nœuds. Ouais. Je sais que Sac de Nœuds fait le temple là sur le bassin là justement où il y a des visites à faire. Mais je pensais que ça allait plus pulluler que ça et ouais, c'est ça. Bah, je pensais être bouleversé dans une sorte de grosse mouvance un peu tout l'été. Bah, après c'est pas terminé, c'est que le début. C'est que le début, mais la prog déjà de base. Hein. Moi, je trouve que la prog, elle est pas ouf, parce qu'à un moment donné, c'est 500 ans qu'on fête. Bah oui. Il n'y a pas grand-chose, je trouve, quand même. Ouais. Et il y a ce truc-là qui est extrêmement dérangeant, c'est que en tant qu'habitant, en fait, tu te sens exclu de ce truc-là, parce que, tu vois, j'ai reçu le programme dans ma boîte aux lettres une semaine après l'ouverture des festivités. Bon, déjà, c'est pas à moi d'aller chercher le programme, en fait, puisque... On fait la fête, donc les infos, on se les donne, en fait. Et ce truc de pas faire participer d'artistes à vrai et d'acteurs de la culture au Havre, c'est un vrai problème, en fait, parce que t'as même pas le plaisir, en regardant le programme, de dire « Ah, il y a un tel que je connais, ah, il y a un tel que j'ai déjà vu, ah, il y a un tel que truc, ah, il y a un tel qui a été pris pour ça. Il est au niveau, c'est bien. » Enfin, ouais, même pour les artistes à vrai. Attends, les artistes à vrai. Participer à l'émulsion culturelle c'est de leur ville, c'est important, quoi. Ils ont fait un partenariat pour envoyer des artistes à vrai un peu partout dans le monde pour revenir avec un projet culturel. Donc, t'en as qui là, sont partis là pendant depuis un an, depuis je crois. Un an, ouais. Depuis d'accord. Un an. Et en fait, genre, t'en as un qui est parti, je sais plus, peindre au Japon. T'en d'accord. as qui sont partis faire de la musique en Angleterre. Il y en a qui vont partir en tournée en Europe. Le but, c'est de revenir après ici pour amener leur projet à la fin pas, de résidence. J'ai pas tout à fait compris, mais j'espère qu'il y a quand même un retour de résidence, tu vois, qui sera fait. Enfin, après, je sais pas du tout ce qui est prévu, mais dans tous les cas. Les artistes à vrai qu'on fait participer, on les fait participer en les envoyant partout dans le monde. Et à l'ouverture, encore une fois, il y a Catherine Ringer, il y a la femme qui a joué au Tetris pendant la saison, il me semble. Oui. On se fout de la gueule de qui, en fait? Juste, on se fout de la gueule de qui? C'est pas la fête des Havrais de leur ville, c'est un prétexte comme un autre pour relancer le tourisme au Havre. C'est tout. Oui, c'est juste, ouais, c'est dommage que ce soit ça, quoi. Surtout qu'il y a un gros budget de, je crois que c'est 15 à 20 millions mais d'euros. Pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas faire un événement de dingue qui fait venir du monde? C'est pourquoi le Royal pas? De Luxe, pour mais coup, pas mais quand. Apparemment, ça se fait. Mais je parle au niveau des 500 années. Ans vraiment, parce que le Royal de Luxe sont là parce qu'il y a les 500 ans. Le truc, c'est que pourquoi pas faire une grande festivité comme ça de plus temps court. À autre pour faire venir du monde, mais par contre pas quand c'est notre anniversaire. Quand c'est notre anniversaire, c'est notre anniversaire. il faut qu'on on dise sent aux la gens, fierté à vrai. Hein, il faut qu'on dise aux gens, regardez ce qu'on fait chez nous. Nous, on produit. Venez de la partager musique. Avec nous, mais nous, on produit ça quoi. Voilà, on produit de la musique. Il y a des gens qui peignent, il y a des gens qui font des trucs de dingue. Et c'est ça que ça aurait dû être. C'est pas juste la fête. bah, une garden party, ouais, finalement. C'est pas juste refaire venir une toile de notre cher Monet. Mais ouais, non, mais c'est claqué leur truc. Au musée. Regarde, ils faisaient une biennale d'art contemporain, c'était vachement bien, ils l'ont arrêté, je sais pas pourquoi. Et là, finalement, les 500 ans du Havre, bah, t'as quelques œuvres voilà, dignes d'une biennale, qui pourraient être dignes d'une biennale. Ouais, bah, moi j'aurais préféré une biennale, quoi. Une biennale. Moi, j'ai pas envie qu'il se passe un truc pour les 500 ans. À propos, si vous voulez aller voir des œuvres, il y a le portique là, qui est la réouverture du portique, ouais. Mais si alors vous, après, si vous voulez aller visiter. Après, au-delà de ça, j'ai entendu dire que les expos sont vachement bien. Au portique. Sur les 500 ans. Donc ça veut pas dire que c'est mauvais. Oui, non, c'est pas le questionnement, il est pas là. Voilà, c'est pas le questionnement. Ouais, c'est pas une fête. C'est pas sur la qualité ou mais simplement le manque de participation ou le. Enfin ouais, le manque de participation, je sais pas si ça a pas été, il y a pas de requêtes qui ont été faites vis-à-vis de le manque de sollicitation. Ouais, je sais pas si ça vient de là, mais ouais, c'est juste faire participer le public à vrai aurait été génial, quoi. Genre prenez des stands, enfin vous prenez oui, une tente c'est et ça, quoi. Vous proposez un truc, quoi. Bah, pour le coup, même des artisans ou des choses des espèces de toiles participatives. Ouais, il y a quand même dans tous les quartiers, tu vois, genre là il se passe ça, là il se passe ça. Là, il y a les habitants qui ont fait ça, puis là, il y a un concert de pro, puis là, il y a un concert de machin. Ça restera là tout l'été, et tout le monde profitera de... Pour le coup, moi, ça me fait un peu l'effet d'une fête de la musique où il n'y aurait que des groupes, tu sais, genre que des groupes nationaux, pas des groupes locaux, tu vois. Ça me fait un peu cet effet-là, en fait. Après, organiser des trucs entre habitants, machin, l'idée est belle. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui pourrait se faire si les gens avaient la motivation et pouvaient s'organiser comme ça. Mais il y a une question que je me pose forcément, c'est qu'on est en état d'urgence. Je pense que c'est surtout pour ça. Et qu'on est sur une fête déjà qui requiert énormément de sécurité, parce qu'il y a, y a beaucoup de touristes qui débarquent. Est-ce qu'il serait souple en fait à laisser faire des trucs comme ça alors qu'on est sous le coup d'un état d'urgence qui va d'ailleurs continuer jusqu'à novembre parce que c'était évident pour tous ceux qui croyaient pas c'était évident mais s'y attendaient un peu tous, hein. Si on pouvait garder cet état d'urgence encore le plus longtemps possible ce serait trop bien parce qu'on va fliquer tout le monde ça va être trop cool. J'espère que les mesures d'exception resteront, hein, que l'exception devienne la norme, ça va être trop bien. C'est ça, ouais, que l'exception devienne la norme. Intégration qui disait. engagez-vous qui disait. Ah, c'est exactement ça. Ils sont fous, ces Romains. Bon, puis sinon, moi, j'ai plus grand-chose à dire. Non, mais en tout cas, mais au-delà de ça, n'hésitez pas à venir dans cette belle ville du Havre qui sera vous. Oui, quand même. J'ai cru que tu allais dire, n'hésitez pas, venez à Rouen. non, venez à Rouen. Venez au Havre. N'hésitez pas à vous arrêter sur la route à Rouen si vous avez une pause pipi ou un truc comme ça. Une pause caca. Surtout. On peut dire caca, on est à combien de temps là? Si vous voulez faire caca, arrêtez-vous à Rouen et puis venez au Havre. Non, c'est vachement bien. Allez au Havre, allez à Rouen, mais venez pas sur. Sous ce prétexte là la ville a beaucoup plus à offrir que juste des expos de gens qui sont pas d'ici, qui sont certainement très bien, encore une fois, ça reste des artistes, mais pas dans le cadre des 500 ans, vraiment pas dans le cadre des 500 ans. En tout cas, venez rencontrer les gens, les Havrais sont des gens super, découvrir la ville. Enfin, moi, c'est vraiment le spectre. Aussi, on me dit le Havre, moi je le vois sous le spectre du bâtiment et de l'urbain, enfin vraiment du tissu urbain, du quartier Perret, de l'air maritime. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une ville qui respire à tout point de vue. Qui est fraîche, en fait. Qui est fraîche, moi ça me va. C'est une ville qui est fraîche, les gens sont sympas, ont un accent pourri, mais... Non, mais même, il y a une sorte d'ambiance un peu incroyable du fait que ça soit un vrai grand port. Ouais. Il y a une sorte de très ouvert vers le monde. En même temps, tu sens qu'il y a des gens qui sont restés bloqués parce qu'ils n'ont pas pu repartir, et du coup, il y a un mélange qui se fait qui est assez joli, une ambiance un peu incroyable vraiment de ville de passage, mais en même temps dans lequel on vit. Et du coup, tout se mélange et tout le monde se côtoie, vit ensemble. Et donc, tout ça, c'est beau. Il y a un truc assez poétique dans la ville, en effet. Ouais. Et pour boucler sur ce qu'on disait tout à l'heure au début, à savoir parler de Little Bob, des City Kids et des Roadrunners qu'on donnait comme exemple, il y a encore les Fixed Up et tous ces gens-là. vraiment, vraiment, vraiment, c'est pas une vanne. Venez au Havre et vous, enfin, vous allez sentir ce qu'est l'impact du rock'n'roll sur cette ville. Et c'est juste quelque chose d'incroyable à vivre. C'est vraiment, vraiment quelque chose d'intéressant parce que une empreinte culturelle aussi forte sur une ville, en fait, à vivre au quotidien, c'est ouais, vraiment, ça conditionne, quoi. Ça conditionne et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Plutôt que de venir voir Catherine Ringer sur la plage du Havre, on en a un peu rien à péter. Enfin, voilà. Je vais commencer à m'énerver, donc je vais m'arrêter là. C'était, mais, c'était un peu le coup de gueule venez, quoi. Voilà. Venez pour ce que les Havrais savent produire de culturel et vous allez voir, c'est archi bien. On n'a pas besoin de ces gens-là pour promotionner notre ville. On en a juste pas besoin. Ça, c'est sûr. En tout cas, on te le souhaite. Voilà. On te le souhaite. Tout est dit. Ouais. Puis on a nous trois découvert. Enfin, moi, en tout cas, j'ai découvert cette ville. Ouais, moi, je la connaissais un petit peu déjà. Moi, pas du tout non plus. Moi, j'étais un peu comme Paul, un peu novice. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est tarif et en fouet. C'est. Et alors, du coup, 9 mois après. Bah, un beau bébé. Moi, je conseille. Ouais, ouais. Je conseille cette ville à tous les gens qui ont des mauvais a priori, comme beaucoup de gens qui viennent pas du Havre. Exactement. Qui peuvent venir de Paris, de Rouen, etc. Qui ont des très mauvais a priori. Et moi, j'invite les gens à venir et à se laisser porter, à retirer tous ces petits préjugés, à fermer les yeux quand ils arrivent, ou les ouvrir quand ils sont au bord de la mer. Mais sinon, sinon c'est. Non, non, vraiment. Non, venez, c'est super. Laissez-vous emporter par le charme. Ouais. Le vrai charme des Havrais. Alors, moi, je conseillerais quand même de garder les yeux ouverts parce que c'est aussi super intéressant de voir une ville se révéler couche après couche, de passer d'une zone industrielle au quartier ouvrier, et après au centre-ville et après la mer, c'est quand même une expérience qui est sympathique. J'aime beaucoup arriver des usines et de rouler jusqu'à la mer, c'est très sympathique. Voilà. Donc fermez pas forcément les yeux. Et puis et en plus, la nuit, quand tu passes, on dirait que t'es dans un Final Fantasy. Tu vois, donc c'est très exactement bien. Exactement ça. Du coup, Le Havre, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Le Havre Day. Ouais, bah ouais, merci quand même, c'était cool. Ouais, j'avoue. Merci Paul pour cette discussion super intéressante. Mine de rien, on parle un peu de notre ville, ou moins d'adoption déjà. Notre ville, notre port d'attache, c'est le cas de le dire. C'est un métier. T'as fait une métaphore maritime, c'était génial. Maritime, c'était génial. C'est un métier, comme je te dis. Vincent ? Oui. Tu voulais nous faire passer un petit message musical, me semble-t-il. Alors raconte-nous tout. Alors moi je suis venu avec un petit morceau de rap. En fait, c'est les auteurs, c'est O2N. Donc je crois qu'ils sont deux. Alors en fait, c'est des rappeurs qui ont une super écriture. Ils sont deux au nombre de deux ou de la ville de eux. Non, parce que un jeu de mots et hop, hop, hop, hop. Un jeu de mots et c'est reparti. Je suis en mode jeu de mots géographie là, vous pouvez rien faire. Non, ils sont au nombre de deux. C'est pas mal, je viens avec des potes, ils sont deux. Les mecs, ils sont 15 en vrai. C'est ça. Il manquerait plus qu'ils viennent de 7. Non, mais laissez-moi introduire ma musique, s'il vous plaît. C'est de 3. Ils sont tombés, Vincent. Bon, les mecs, ils sont 2 et 3, ils viennent à 7. Je sens que je reviendrai plus. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc O2N. Et donc, ils ont basé ce morceau sur la culture donc hip-hop de l'ego trip. Donc, qui consiste à simplement dire dans son morceau qu'on est le meilleur et que les autres sont pourris. Donc, déjà, le concept est assez rigolo. C'est un morceau qui date de 2012. Et c'était à l'époque où ça fonctionnait beaucoup. Il y avait beaucoup de rappeurs qui faisaient de l'ego trip. Et eux sont partis de ce constat-là, que ça existait, que ça fonctionnait. Et ils en ont fait un morceau qui s'appelle donc Tu pues du cul. Vaste programme. Mais enfin non, mais écoutez parce qu'il y a l'écriture est extrêmement intéressante et il y a ça donne envie d'écouter. Ça détourne un peu les codes du hip hop un peu mainstream du hip hop de scooter tout simplement. Et écoutez, ça fait du bien. O2N, Tu pues du cul. Tu sur l'instru. Tu sues du cul, tu pues l'intrus, tu sais, tu pues du cul, je t'instruis, je suis mal autru, ça m'attriste, t'as mal au trou, je suis altruiste et nargle tout. Je te félicite, t'es l'illicite, moi je suis lucide, tu fais Lucie, t'es mon fantôme, ma félicite. Pas de visite, quand je pique, c'est décisif. Pas de gimmick, quand je kick, je te bisute vite. Des rêves de Mac, de plaques et de péter les bacs. Crève de Mac qui braque, j'éclate les boîtes. Traître, je traque les wacks, bref, je crache des claques. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. T'en fais des tonnes, c'est pas du rap, ça dé- s'étale. Rien d'étonnant que les autres dorment. Sans déconner, t'es pas un homme. Les M6 frottent comme des petites chattes. Ça botte pas plus qu'un petit chat avec une meuf au pyjama. Attends plus quand même à 6 lattes pour faire valoir mon must. À se raconter des comptines et se faire valoir en guest. Tu minimises, je m'immise dans ton mini-bise. Tu fais néné, je finis le buzz et t'immunise. T'es limité, je suis l'éminence grise. T'es dégoûté, je l'ai mise dans le mille sans débiter. T'es dans la basse, y'a pas la place sur une autre basse. Tu bois la tasse, tu t'as tassé comme Thalassa. Un flow passé en thalasso, j'ai tous les as. T'as pas de panache, je suis les talons, t'es canasson. Jamais t'allé sur le paillasson. Au corico, ou quand je ricane des bourricots. T'es trop ricain, laisse-moi teaser mon morito, petit kirikou. Follow ton style à Kiloutou. J'ai trop de cas, une carapace, donc j'ai là-bas. Trop de carnage, tu perds la face quand t'es là-bas, ça passe pas. T'as tout raté, j'ai fait fissa. T'es dans le maquis, t'as capoté par je sais pas qui, ça sent le roussi. T'es féroce, c'est pas un rookie. Je t'utilise, je t'utilise, je suis illiciste. Tu m'étalonnes, je suis les talons, le lyriciste. Je te traumatise, je t'évapore, je me gargarise. T'es gourgandine, les métaphores, c'est pas ton bise. T'es sémaphore, le microphone, c'est pas ton fort. Tu parles fort, tu fais le ouf et tu t'étouffes. Moi je m'étoffe, t'es rikiki, je t'apostrophe. Je suis assez lof, toi tu figures en bikini. Je suis oculaire, t'es popotin, je suis opportun. T'es circulaire, je suis rocking chair, t'es strapontin. Je suis stratosphère, t'es terre à terre en charentaise. Je suis mocassin, un mousquetaire Alexandre. Je suis critérium, toi t'es silex et préhistoire. Je suis paraphrase, je suis parapente, t'es autocar. T'es stupéfiant, je te roule, je te fume. T'es stupéfait, je suis la lune et toi le bitume. T'es cétacé, t'es assassin, t'es fracassé, t'es ramassé. J'ai fricassé, toi t'es cassé, je suis Picasso, t'es Robinson, t'es favelas. Je suis Bahamas sur chaque acane, je suis Sarbacane. Je suis Baobab, toi Arbacane. Je suis électrique, t'es hermétique, je suis cotillon. Je suis convaincu, t'es testicule, t'es broustillon. Je vais te violenter, te tourmenter en paragraphe. T'es télégraphe, je suis épitaphe. Ça fait pas tant.